de retour sur Web Radio Crochet avec Seasonal Affective Disorder. On n'a pas encore fait tous les petits tests micro et guitare et compagnie, alors on va le faire maintenant, une espèce de petite balance. J'augmente des micros et puis on va voir ce qui se passe. Allez-y, jouez un petit peu, chantez, faites... Là. C'est quoi comme accord ? Voilà, on a chanté, on a joué. C'est le maximum qu'on ait pu faire. Vous entendez les micros qui ça sort de... La la la la la la la la la la. Solo de brioche. Parfait, et bah les gars, c'est quand vous le voulez. Est-ce qu'on fait une reprise, Olivier ? Bonjour. Bonjour, je sais pas si on l'a fait. Non, on la fait pas. On fait pas de reprise. On la fait pas. On va commencer par une chanson qui est de nous. On voulait faire une reprise super, mais on vous l'aurez pas. Pour la mettre pendant le set. Ouais. Une surprise. On pourra la mettre pour la quand surprise. Vous aurez des chaussettes de foot, on pourra faire la reprise. Tu peux la prendre plus vite. Ouais, tu peux. The first time. You disagreed, 'cause in your eyes I've seen the fear, and that's why I felt a bit mesmerized. The second time you were afraid for you and I to go ahead. So take your time, I know you'll be mesmerized. First time I disagreed, 'cause in your eyes I've seen the fear, and that's why I felt a bit mesmerized. The second time you were afraid. Pas super bien, nous. Hein. Ouais! Ambiancé en 2000. Incroyable! Merci. Donc, ça, c'est Olivier. Ça, c'est Ed. On sait pas où ça va. C'est ça, je viens de le faire comme ça. Alors? C'est pas terrible. Mais j'y arrive pas. Until you can't see anymore. Come, I swear you won't feel anything. Cheat until the lie becomes the truth. Pray until the notes switch on poetry. Thank you. you can walk on the ocean around. I bet your foot will beat the flames. Hide empty the enter has its trophy. Leave and be a part of what they call life. On a fait notre max. À partir de maintenant, ça va être toujours un peu moins bien. C'est quoi, c'est pas... Bah ça doit être ça. C'est ça. Let's just pretend it's not a matter of time. I dive into your eyes, but I still don't see them shine. I could tell you you're nice, pretty and refined, but it would not change a I'd rather spend the night to talk. Ellie withdraws situation. I'm by the roadside, hitchhiking again. Don't drive. May I be drawn in you? I love you. I beg you please forgive my impetuosity. If I forget one day, you'd be my reminder. But it would not change at all. I'd rather spend my nights with you. Early withdrawal situation. I'm by the roadside, hitchhiking again. Don't thank you. c'était à peu près les meilleurs. Affective Disorder. Sur Web Radio Crochet. Super. Tu vas la faire tout seul, ça? Bah, c'est toi tout seul. J'adore jouer tout seul. Je te regarde bien, c'est ce mec. Merci. Done. Is complexity run for fun. C'est une nouvelle chanson. C'est quoi? Je dis à chaque fois super. Dans deux ans, je dirais plus. Ah oui! Merci Penny. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait de cette journée un espace de dialogue magnifique. Merci. C'est pas trop quoi dire. Hein. Non. Allez, maintenant, on va faire une chanson qui, si vous n'êtes pas encore endormi chez vous, peut-être vous empêcheront encore de dormir pendant 2 minutes 10. 2 minutes 10, oui. Je sais pas exactement. T'es prêt? Ouais. Ah, c'est toi qui commence. Non, en fait, on commence. Parfait. Allez. From I, and I know that we've played our time. Please help me, 'cause I'm losing my mind. Do you really care for me at all? Do you really think that we're going back home? Did you even ask you why? Since the first time I saw you, all I do is going down. And I'm thinking about Major Tom, all the funny things he does when he's alone. And I know that it's already done. Don't stop me if I'm singing too loud. Do you really care for me at all? Do you really think that we're going back home? Did you even ask you why? Since the first time I saw you, all I do is going down. A thousand miles from I, and I know that we've made our time. Please help me, 'cause I'm losing my mind. Do you really care for me at all? Do you really think that we're going back home? Did you even ask you why? Since the first time I saw you, all I do is going down. Ah, celle-là, elle marche bien. Ah, y'a pas à chier. D'accord. Raphaël, au minuteur, au chronomètre. Je sais pas comment on dit. Chronomètre. Le chronomètre. Qu'est-ce que c'est là? Ah ouais. T'as plein de rien. Ah ouais. Fais pas des fous. Parce qu'on rompt. Birds are walking under your skin like a flock. That progress is in your veins, and you help me the sky while you floating away. Soldiers are a light up in a row. Pick me, pick me, I will be the one. Oh, my love, I wouldn't be like you. That is hard to feel. Birds are walking under your skin like a flaw. The progress is in your veins, and you have met the sky while you floating away. Merde, attends. Ah oui, c'est ça. C'est pas sûr d'en continuer dans la suite, hein. C'est pas sûr non plus. Vous l'arrêtez à tout moment. Ou pas? Non, mais c'est pas grave. Bof, ouais, je pense. Ouais, c'est super. Du coup, c'est fort. Je crois que c'est toi, hein. Je fasse un trou de batterie. Non. D'accord, je vais pas le faire. Crashing on the same car, it had no seat belt to protect you. You're not around, can't hear a sound. Cut you in tiny bits and season you. Dream of the past, how sweet is that? A tablespoon of honey and of you. Before the dark, is there a spark? secrets detective. Elle est un peu beau ça. Ah ouais. Tu peux la faire beau ça si tu veux. Tu veux la faire beau ça? Demain. Non, tu peux la faire beau ça. On la fera demain, Pierre. On la fera demain. Non, on la fera pas demain. She has a sexy machine. I should have made her scream all the night. Well, it's all yours. J'aime bien ça. Refais, attends, on va recommencer. Il va faire des petites claques doigts, lui. Le mec en short, il va faire des claques doigts. J'avais le micro pour mettre. Vas-y. She has a sexy machine. Should have made her scream all the night. Well, it's all you're looking for. I should have met up, felt so tight. Well, you could open your home. It was the strangest thing, so I did you come down on this one? Every day she drifted away. Sexy machine happened in a dream someday. Where you can't remember how and why you didn't ask her to stay. Well, you should call your mother. Every day she's drifting away. And then wherever she goes, she doesn't have anything to say. Allez, vous pouvez y remettre là. Pas encore fini. Prochaine chanson, c'est une chanson qu'on a jamais jouée devant d'autres gens. Elle chante. Et c'est pas du tout une blague. Non. Pour une fois. Pour une fois, c'est pas une blague et elle est super belle. Moi, je la trouve vraiment super belle. C'est quoi déjà les gars? Ah, c'est super ça. C'est pas bon. Tu connais les accords, tu te souviens? Bah oui, je les connais. I don't know what to do, and I don't have a clue. You colonize my mind, you turn my black to white. I say you, I wrote this song for you, not for another one. Would you listen to these words again? Could you believe one day I would do such a thing? 8 a.m. to midnight, I can be on your side. If I tell you I wrote this song, I swear I wrote this song for you. Sometimes would you like me to be quiet? Celle-là, j'ai jamais joué ailleurs que dans ma salle de bain. Mais c'est aussi mes toilettes. Alors du coup, quand je fais de la musique dans ma salle de bain, je me mets assis sur mes toilettes. Et c'est là qu'on enregistre toutes nos chansons. C'est pas du tout une blague. Non, c'est une blague. On se met vraiment dans mes toilettes. Another day in paradise. The sky is bright and the flies. Your skin so soft, your eyes so blue. I'm trying hard not to love you. Another day I'm paralyzed. I can't get you out of my mind. 1,000 miles I'm from the truth. How I've made myself a fool for you. And you taste like salted water. I couldn't drink all of the sea until my belly gets bigger and bigger. I am gonna give birth to a can of pills, but I am alive and it's all over. I am too strong, but I don't need you if you're treating me like all the others. I don't want to be so close to you, but you taste like salted water. I could have drink all of the sea until my stomach gets bigger and bigger. I am gonna give birth to a can of pills, but I am alive and it's all over. I am so strong, but I don't need you if you're treating me like all the others. I don't want to be so close to you. Salut. Salut. À la prochaine. On va faire une dernière chanson. Est-ce que c'est bien si on fait une dernière chanson? Oui, même deux, même trois. Bah après on va... Bah après on n'en a plus qu'une. On peut faire une reprise et après on peut faire une nouvelle chanson. Ok. Mais c'est une reprise de Johnny, hein. Très bien. Ils ont pas peur. Non, on va pas faire ça en vrai. Enfin, une reprise du groupe préféré d'Olivier, ça s'appelle Win. Baby, what have I done? Gone and left you here all alone. It's sad for me to sing this song. We've been together for so long, and I don't know what my soul is going to say. You wanna hurt so bad someday. It's gonna be alright, baby. It's gonna be alright, love. And if the mist ever let the sun true, I just hope I did the right thing for me and you. Guess what, by my heart, built a life then I tore it all apart. It was not our time, but you'll find a new love, then you'll be fine. So many dark and lonely nights, but I believe someday I'll see the light. It's gonna be alright, baby. It's gonna be alright, love. And if the mist ever let the sun true, I just hope I did the right thing for me and you. It's gonna be alright, baby. It's gonna be alright, love. And if the mist ever let the sun through, I just hope I did the right thing for me and you. Super mignon en vrai. C'est le max que je puisse dire. C'est ton truc, hein. Je me summum de l'aimabilité. On va faire une dernière chanson, c'est une chanson de nous. Oh, y a un mec dehors. Allez. Good girls can't fight. There is a home in the time. Every day you say goodbye. There is a play, an empty space at the theater of faith. There is a guy, don't you mind? Don't talk to him, waste of time. I prefer much to think, but it seems much too far away from. I will never reach it anyway. There is a home with a spoon. She will stab you in that one. There is your sister in the fridge. She keeps on howling with silent screams. There is a book you can't read because you suit your eyes. We are sealing various nonsense in our fight. Everything should be alright. I prefer not to think about it. It seems much too far away from. I will never reach it anyway. I prefer much to think about it. It seems much too far away from. I will never reach it anyway. Ooh. much too far away from. I will never reach it anyway. Merci les enfants. Merci. Ça avait été super. Merci pour tout. C'était Seasonal Affective Disorder. Je n'arrive pas à prononcer leur nom. Seasonal Affective Disorder. Yeah, ils ont un bandcamp. Oui. N'est-ce pas? Et vous sortez un album bientôt? On a fait. On a fait un deux titres avec AltDSL, le label digital de 106, la SMAC de musique actuelle de Rouen là tout de suite. Et on va peut-être faire un album le printemps prochain, mais on ne sait pas encore. Et on n'est pas assez organisé. Où peut-on se procurer Vous voulez, hein. Ok. Ouais, je vais au kebab du coin. Faut me demander. Ok. Moi, c'est Ed. Ça, c'est Olivier. Bah, là, en face de moi, c'est Olivier. Faut me trouver sur Internet. On n'a pas de page officielle. Ok. On a juste un bandcamp. Voilà. Et bah, merci pour tout. Bon courage. Merci à vous. Merci. Merci.